J'arrive pour faire couler les larmes. En période de pluie, si chacun sa thérapie, moi j'ai décidé de vous faire mal. Avec un son qui n'a pas de frontières, qu'appartient à tout le monde. Bientôt l'album, fallait pas jouer les Superman. Mec, baisse les yeux quand je prends le mic. Jamais je te jugerai parce que tu portes un polo Nike. Toujours au premier rang de la vulgarité. Déglingué dans ma tête, jamais je pourrais quitter les bacs. Dans son claque, ma rime frappe comme la police. Toujours pas une star qui a flambé dans les coulisses. Toujours fat quand je monte sur scène, tu comprends vite. Si ça saigne chez les wacks, c'est que je suis fabriqué mon bis. Parole de voyou, de mecs qui ont la dalle. Toujours dans la place quand il s'agit d'ouvrir le bal. Un son pour les racailles, c'est du bon dans les picards. Que soyons qui l'ont détail. Parole de voyou, de mecs qui ont la dalle. Toujours dans la place quand il s'agit d'ouvrir le bal. Un son pour les racailles, c'est du bon dans les picards. Que soyons qui l'ont détail. Aiguisez ma rime, une par une, la posée tranchante. Sur le bitume, laissez trace. Faut qu'il pète le sang, faut qu'il passe entre les mailles. Mon flingue entre les mains dingues. Faut que je tire la corde d'en haut, car en bas c'est die. Risqué mon pote, pisse sur les murs, histoire marquée, ça cave. Fume, vie grave, brûle, décaisse la nuit, ça traîne. Rêve de fesses bombées. Derrière eux, c'est la bac qui rôde. Génération carton blindé. Parole de voyous, de mecs qui ont la dalle. Toujours dans la place quand il s'agit d'ouvrir le bal. Un son pour les racailles, c'est du bon dans les picards. Que soyons qui l'ont détail. Parole de voyous, de mecs qui ont la dalle. Toujours dans la place quand il s'agit d'ouvrir le bal. Un son pour les racailles, c'est du bon dans les picards. Que soyons qui l'ont détail. Ma venue fait flipper comme Hannibal. Mon flow cannibal dans ma zone. J'apparais devant toi puis disparaît à la joue. Sur toutes les scènes, ma voix c'est tricard. Rap pour les bad boys de tous les JK. Ladies, c'est pour vous qu'on ouvre le bal. Bang bang, on se défonce, parole de voyou. Dang dang, Hades, Hamza, Youni. Nouveau projet qui débarque avec l'appui de mon équipe. Hades prod, mais au compte, tu l'avais pas vu dans les cartes. Éclat France, voilà le place de mon prochain titre. La puissance de mon album, tu la trouveras dans sa patate. Ici on rit, même quand les cadavres se font des bouilles. Cousin, fais pas du bruit, on a ce qu'il faut au fond des couilles. Clic clic, bang bang, bien le fusil à pompe. Va niquer ta mère. Les gamins, ils ont des douilles. Parole de voyous, Hades, Hamza.